T'inquiète, bientôt je les canne, je suis avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. M.H. DN, rentré, les enfers. Demain, j'arrête, c'est promis. M.H. DN, rentré, les enfers. Demain, j'arrête, c'est promis. J'ai passé la nuit menotté sur le banc. Sur les lacets de mer, Max, il reste un peu de sang. Elle apparaît puis disparaît sous mon volant. Il me reste encore un peu de rouge à lèvres sur le gland. Les portières sont en l'air, j'tourne en ville, j'suis rabat. J'cartonne de 80, j'déclenche les airbags. Devant mon bloc, les petits chez moi tout caillasse. Je sors le Lamborghini, t'as cru que c'était un mariage. Dans les couilles, j'ai de la paix, jaune comme le Dortmund. J'ai de la vodka de Saint-Pétersbourg, ici y'a rien à gratter. Les pochettes de weed sont pas grappées, la loi j'la fuck sur une planche habillée. T'inquiète, bientôt je les calme, j'suis avec tonton, j'fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, j'suis dans ton rôle. Pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. M.H. DN, raté, les affaires. Demain, j'arrête, c'est promis. M.H. DN, raté, les affaires. Demain, j'arrête. Le procureur veut 6 mois et la juge a l'air aimable. J'suis mouillé jusqu'au cou mais j'ai plaidé non coupable. J'ai rêvé d'un gros Boeing à porter des tonnes de coke. Donc à faire des hits, donc à marquer mon époque. À minuit j'suis dans la ville, je récupère vers 1h30 bébé. J'ai les classes AMG, faubourg Saint-Honoré. Complètement pété, j'ai la conso calée, y'a la banalisée. Trafic de stupéfiants, bande organisée. T'inquiète, bientôt je les calme, j'suis avec tonton, j'fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, j'suis dans ton hall. Pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. J'ai dit pas de cocaïne dans mon nez, mais j'fume le jaune. M.H. DN, raté, les enfers. Demain, j'arrête, c'est promis. M.H. DN, raté, les enfers. Demain, j'arrête. Kalachnikov Draco pour transpercer ta peau. Ils ont changé de tenue juste après le braco. Emprunt tes photos, je suis chez le commissaire. Joue pas les Tony M, on te fait chanter comme toi il est. Ils m'ont passé les gourmettes, j'ai la tête sur le capot. Si je glisse au cachot, je partage avec mon co-détenu. Emprunt, photo, enquête, photo. Quand t'es dans la merde, y'a plus de poteau.